Puis comme ça fait partie de mon travail de transmuter l'énergie de l'émotion pour l'amener au niveau d'un mental, donc, automatiquement, je vais aller faire le beau, puis je vais en envoyer un autre, puis tout vous créez dans votre esprit un petit. Soit un doute, ou une question, ou un lapsus, ou quoi que ce soit. Je ne vous donnerai pas de réponse. Une ambiguïté quelconque. Une ambiguïté, là. Maman, il y a une femme qui m'a dit que, à la télévision, moi, je ne l'ai pas vu, mais elle me dit que vous aviez mentionné que des entités seraient détruites. Mm-hmm. Et elle n'est pas d'accord avec ça. C'est son droit. Parce que d'après la Bible, il n'y a pas d'âme de détruite. Elle dit que c'est pas juste. C'est son droit de penser d'après la Bible. Mais ça sert à quoi toutes les souffrances de la terre si après ça il n'y a plus rien? C'est toujours quelque chose. Il ne peut pas rester un homme sans terre. Quelque chose. Un homme sur la terre conscient peut reconstituer toute une civilisation. Mais les autres ne sont pas nécessairement détruits, ils peuvent être sur d'autres plans. Il y a des âmes. Il y a des âmes qui ne peuvent plus évoluer. Ah, elles doivent être détruites. L'homme ne veut pas voir ça, ne veut pas croire ça, ne veut pas accepter ça, parce que l'homme a de l'émotion. Et l'homme donne de la valeur à la personnalité de l'âme, et l'âme n'a pas de personnalité. C'est juste parce qu'elle n'est pas capable de l'évoluer. Allez voir. Elle a eu sa chance, mais... Parce que nous autres, en tant qu'homme, on pense, puis en pensant, on crée une forme quand on essaie de penser quelque chose. Et si on essaie de penser à l'âme, on donne une forme, on est obligé de donner une forme à cette pensée-là. Puis l'âme, c'est pas le même matin. L'âme, c'est de l'énergie. C'est l'énergie universelle. Bon, si on a la même âme, pas de faire être détruite. Si on est là, ouais, on fait partie du même courant. À un moment donné, dans l'évolution, là, on va être sur la même substance ou courant, je ne sais pas quoi. On participe à la même énergie. Oui. Alors, si on est sur la même énergie, pourquoi est-ce que ça serait détruit? On est pareil au même? On participe à la même énergie pourvu que l'âme évolue. Ça se rend là. Ben oui. Il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle se perfectionne. Non, si elle se perfectionne là, pas ça, elle ne sert plus. Si elle ne sert plus, elle est faite. Que l'homme aime ça ou que l'homme n'aime pas ça à cause de ses émotions spirituelles, c'est son problème. Vous n'avez qu'à parler avec les autres, ils vont vous le dire. Ça se détruit, là. Elle a plusieurs chances. Elle a toutes les chances, là. Toutes. C'est quand elle ne veut plus. Quand l'homme est détruite, c'est parce qu'il est absolument impossible de l'évoluer plus loin. Une âme, par exemple, qui est trop liée, qui est trop imprégnée de magie noire, à un certain moment, elle ne peut plus évoluer. Vous clair. Combien je peux prendre une crise d'âme? Ça dépend de l'âme. Ça peut prendre 500 millions, ça se fait éventuellement. Mais nous autres, on attache de l'émotion à tout ce que l'on touche au niveau de notre esprit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas mental. C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler avec la lumière. On est émotionnaliste. On est des vrais minous. Des vrais petits chats. On est bien de sentiments. C'est la question si elle veut ou si elle peut. Si elle peut. Il n'y a pas de vouloir là. C'est du pouvoir. Vous avez mentionné dans une conférence précédente qu'il y a des gens qui n'ont pas d'art. Pourriez-vous donner une analogie, un exemple, quelque chose comme ça? Je ne peux pas donner d'analogie à ce niveau-là, mais je peux expliquer le phénomène dans le sens que les gens qui n'ont pas d'âme, ce sont des gens qui, au lieu de vibrer au niveau de leur personnalité par le biais d'une âme individuelle, vibrent par le biais d'un corps substitué qui provient d'entités d'autres plans. Autrement dit, un homme, un corps matériel peut être dans un corps matériel. Un corps matériel peut être